Today's 8th of March 2011, the fifth day of our retreat. Today's Dhamma talk is going to start with a question. What are the benefits that we are going to achieve? Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2011. C'est le cinquième jour de notre retraite. L'enseignement de ce jour commencera par une question. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer de cette pratique? Nous pratiquons la méditation Satipatthana Vipassana. Satipatthana Vipassana est la méditation qui a pour but de nous faire comprendre le corps et l'esprit tels qu'ils sont réellement, de nous faire pénétrer la véritable nature des phénomènes physiques et mentaux. Je voudrais expliquer la signification du mot pali Satipatthana. Satipatthana est un mot pali qui comprend deux parties, Sati et Patthana. Sati veut dire attention. Patthana veut dire coller à l'objet de méditation, être fermement installé, établi sur l'objet, pénétrer les différents objets et rester fixé sur ces différents objets. Les objets étant le corps, kaya, les sensations, vedana, l'esprit ou la conscience, citta, et les objets mentaux, les dhamma. Donc le mot satipatthana réfère à une attention qui colle à l'objet d'observation, une attention qui plonge dans l'objet, qui se maintient de façon continue sur l'objet. Ce n'est pas une attention ordinaire, une attention superficielle. C'est une attention qui est établie très fermement sur l'objet, qui recouvre entièrement l'objet du début à la fin. Si nous pratiquons la méditation Satipatthana Vipassana, quels sont les bénéfices que nous sommes en droit d'espérer? Au début du Satipatthana Sutta, le Bouddha nous garantit que nous pourrons obtenir 7 bénéfices de la pratique de la méditation Satipatthana. Il nous assure de cela par les paroles suivantes. C'est le seul chemin pour la purification de l'esprit, pour la victoire sur le chagrin, pour la victoire sur les lamentations, pour la disparition de la souffrance physique, pour la disparition de la souffrance mentale, pour l'atteinte du noble chemin qui éradique toutes les kilesas, les impuretés, sources de souffrance, et pour la réalisation de Nibbana. Même si ces 7 bénéfices sont énoncés de façon assez simple, ils sont cependant pleins de signification. Ceux qui aiment le Dhamma vont se réjouir de savoir que ces bénéfices existent. Ils vont se réjouir de savoir à l'avance en quoi ils consistent et de comprendre la méthode pour pratiquer cette méditation. Le courant de conscience des êtres ordinaires est continuellement pollué par la crasse des kilesas, les impuretés mentales. Les impuretés pénètrent en nous par les 6 portes sensorielles, par la porte de l'œil, par la porte de l'oreille, par la porte du nez, par la porte de la langue, par la porte du corps et par la porte de l'esprit. Ils oppressent l'esprit, amenant ainsi beaucoup de souffrance aux êtres. Lorsqu'un objet visible pénètre par la porte de l'œil, s'il est plaisant, la personne se met à l'aimer et laisse ainsi entrer le désir dans son courant de conscience. Si l'objet est désagréable, déplaisant, la personne ne l'aime pas et c'est la colère qui entre. De la même façon, lorsqu'un objet plaisant ou déplaisant se manifeste à la porte de l'oreille, lorsqu'un objet plaisant ou déplaisant se manifeste à la porte du nez, lorsqu'un objet plaisant ou déplaisant se manifeste à la porte de la langue, lorsqu'un objet plaisant ou déplaisant se manifeste à la porte du corps, lorsque quelqu'un entre en contact avec un objet tangible plaisant ou déplaisant, et lorsqu'un objet entre en contact avec l'esprit, par la porte de l'esprit, par exemple des pensées agréables, de belles idées, ou des pensées désagréables, négatives, si ces choses ne sont pas notées, il est inévitable que soit le désir, soit la colère, pénètre le courant de conscience de façon continue. Et nous sommes amenés à devoir souffrir. Si donc nous libérons notre esprit de l'oppression des impuretés mentales, nous pourrons nous libérer de la souffrance et expérimenter la véritable paix et le véritable bonheur. Comment allons-nous y arriver? Par la pratique de la méditation Satipatthana. Le deuxième bénéfice, c'est la victoire sur le chagrin et les lamentations. Les êtres ordinaires sont bien souvent excessivement attachés l'un à l'autre. On se soucie pour ses fils et pour ses filles. On se soucie pour ses biens. On est désolé et inquiet à cause de ces choses. Et lorsque l'anxiété, le chagrin, l'inquiétude s'intensifient, on se met à crier et à se lamenter. Donc, ici également, il est possible de se libérer de ces choses par la pratique de Satipatthana. Satipatthana est le seul remède, le seul chemin pour se libérer du chagrin et des lamentations. Le quatrième et le cinquième bénéfice, c'est la disparition de la souffrance physique et de la souffrance mentale. Comme nous avons un corps, nous devrons inévitablement expérimenter des sensations déplaisantes, toutes sortes de douleurs. Le corps peut tomber malade. Quant à l'esprit, nous nous sentirons souvent déçus, malheureux, frustrés lorsque nos désirs ne seront pas comblés ou lorsque nous expérimenterons des choses désagréables. Le seul chemin sûr pour arriver à la fin de cette masse de souffrance physique et de cette détresse mentale, c'est Satipatthana. Le bénéfice suivant, c'est la réalisation du chemin et de son fruit, Maggaphala. Par la pratique de Satipatthana, on peut développer les différents niveaux de connaissance vipassana, à commencer par la connaissance de la réalité ultime de l'esprit et de la matière. Lorsque notre connaissance, notre sagesse sera devenue mûre, nous pourrons atteindre le noble chemin et le noble fruit. Nous pourrons atteindre Nibbana. Ceci, c'est le septième bénéfice de la pratique et le bénéfice le plus important. Et ces bénéfices qu'amène la pratique peuvent être réalisés dans cette vie même. Ce ne sont pas des bénéfices, des dhammas, qui sont réservés aux vies futures. Le Bouddha a donc promis ses bénéfices à tous ceux qui pratiquent Satipatthana de façon assidue. Nous allons parler maintenant du premier de ces sept bénéfices, la purification de l'esprit. Tout le monde souhaite avoir un esprit libre des impuretés, libre des ténèbres, libre de l'ignorance, de l'inquiétude, etc. Nous aimerions avoir un esprit clair comme du cristal et pur. Nous voulons que nos esprits soient en paix. Si nous pratiquons la méditation Satipatthana, nous pourrons atteindre ce but et nous pourrons expérimenter directement par nous-mêmes la paix de l'esprit. Voyez votre propre pratique. Si vous êtes attentif à l'objet qui se manifeste, ne fût-ce qu'un seul instant, votre esprit sera en paix pendant cette seconde particulière. Si vous pouvez maintenir votre attention pendant 10 instants, votre esprit sera en paix pendant 10 instants. Si vous êtes attentif pendant 10 minutes, votre esprit sera en paix pendant 10 minutes. Si vous êtes attentif pendant 15 minutes, votre esprit sera en paix pendant 15 minutes. Et si vous pensez être capable de maintenir votre attention pendant toute la journée, imaginez ce que devrait être une journée tout entière de paix. Et vous pourrez expérimenter tout cela dès à présent dans votre pratique. On parle de la méditation de l'attention, mais en fait, il ne s'agit pas uniquement d'attention. Comme il est précisé dans le Satipatthana Sutta, il faudra également que nous disposions de atthapi sampajjano satima. Nous devrons fournir un effort ardent, viriya, que l'on appelle atthapi, pour être toujours attentif. S'il n'y a pas viriya, l'énergie, il ne sera pas possible de développer une forte attention, une forte sati. Nous devrons donc constamment stimuler notre énergie mentale. Nous devrons constamment fournir un puissant effort. Cette stimulation de l'esprit, qui va avoir pour résultat que nous réussissons à rester assis pendant 1 heure et à marcher pendant 1 heure, est la véritable nature de viriya, l'énergie ou effort. Ainsi, si nous stimulons notre esprit avec viriya, l'énergie, l'attention va s'établir de façon très ferme sur les différents objets. Basée sur cette attention très ferme, la tranquillité, c'est-à-dire samadhi, la concentration, va se développer. Si on développe la concentration, nous pourrons nous libérer de l'ignorance et de toute peste maladie mentale et obtenir la paix intérieure de l'esprit. Et de plus, avec la concentration, nous allons pouvoir comprendre clairement, de façon pénétrante, ces sampajjano, ce qui va nous permettre de comprendre en profondeur la vérité ultime concernant l'esprit et la matière. Selon les commentaires, il y a encore d'autres bénéfices qui peuvent être obtenus par la pratique de Satipatthana. Ceux qui auront pratiqué de façon régulière, avec constance, de façon répétée, jour après jour, que ce soit à la maison, dans des centres de méditation ou ailleurs, au moment de la mort, ils pourront faire face sereinement à cette échéance. Quelle que soit la douleur, si intense soit-elle, ils ne se lamenteront pas, ils ne gémiront pas. Un yogi ardent pourra expérimenter ce bénéfice. La plupart des gens ne pourront pas supporter l'intensité des douleurs qui se manifestent dans leur corps au moment de la mort. Mais ceux qui auront pratiqué de façon régulière, de façon sérieuse, et qui auront développé l'attention, qui auront développé une forte puissance d'observation, pourront prendre ces sensations désagréables comme objet d'observation. Se concentrant sur ces sensations désagréables, ils pourront les voir apparaître et disparaître. Ils réaliseront la nature impermanente de ces objets. Ils se libéreront ainsi de la détresse mentale. Ils ne se lamenteront pas. Quelle que soit l'intensité de la douleur, ils pourront être simplement attentifs et la contempler. Ils ne perdront pas leur attention. Et de plus, ceux qui auront développé une forte attention par la pratique vont pouvoir faire face aux difficultés de la vie. S'ils pratiquent de façon régulière, en essayant de développer constamment leur attention, ils ne se lamentera pas, ne gémira pas, quelles que soient les circonstances. Et même lorsqu'ils devront faire face aux douleurs intenses au moment de la mort, ils ne se lamenteront pas. Les gens, en effet, ne sont en général pas capables de faire face aux douleurs extrêmes. Mais ceux qui auront pratiqué Satipatthana de façon respectueuse et continue pourront maintenir leur attention lorsque ces sensations vont se manifester. Quelle que soit l'intensité de la douleur, Il continue à observer, à être attentif. Il ne se lamente pas, il ne gémisse pas. Il note les sensations désagréables, il les voit apparaître et disparaître. Et même lorsque ces sensations seront donc devenues très intenses, il n'oublie pas d'être attentif. Ils ne perdent pas leur attention. Il a même été dit que ceux qui ont pratiqué Satipatthana de façon respectueuse, continue, que ce soit en posture assise, en marche ou debout, peuvent savoir l'heure à laquelle ils vont mourir, même s'ils ne le disent pas aux autres. Et de plus, au moment de la mort, les gens ordinaires auront probablement des contractions musculaires et les yeux vont se révulser. Tout ceci ne va pas se produire chez un yogi qui a pratiqué Satipatthana de façon régulière. En général, 3 ou 4 heures après la mort, le corps devient raide. 2 ou 3 jours plus tard, des odeurs désagréables émanent du cadavre. Ce cadavre devient gonflé et des taches brunâtres recouvrent tout le corps. Des liquides nauséabonds sortent des yeux, des oreilles. Mais ceux qui auront pratiqué Satipatthana de façon respectueuse ne vont pas avoir ce genre de phénomène. Après 1 heure, 1 jour, 1 mois, leur cadavre ne devient toujours pas rigide. Il peut encore être plié. Aucune odeur nauséabonde n'en émane. Tels sont donc les bénéfices que l'on peut expérimenter grâce à la pratique de Satipatthana selon les commentaires. Il ne s'agit nullement ici d'un attachement au cadavre qui serait une simple coquille après la mort, mais il s'agit tout simplement de montrer dans quelle mesure le corps peut subir des modifications lorsqu'il s'agit d'un yogi qui a pratiqué Vipassana. Tout ceci a été prouvé de façon évidente. Il y a eu des cas extraordinaires de moines ou de personnes laïques dont le corps a subi des modifications après la mort. Tout ceci ne sont que de simples exemples de bénéfices qui peuvent être obtenus par la pratique de Satipatthana. Mais le but principal, c'est de se purifier l'esprit, de développer la concentration pour pouvoir finalement échapper à la condition humaine dans cette vie-ci. Tous les yogis expérimentent des difficultés au niveau du corps et au niveau de l'esprit dans leur vie de tous les jours. Par la pratique de Satipatthana, le yogi va développer ses connaissances vipassana, sa sagesse, progressivement, et il pourra mieux comprendre. Il pourra ainsi accepter la vie et il pourra également comprendre la caractéristique de dukkha. Les yogis vont obtenir la sérénité et le bonheur en surmontant les vicissitudes de la vie. Ils vont pouvoir surmonter ces choses par la connaissance intuitive et la puissance de concentration qu'ils auront obtenue par la pratique de Satipatthana. Si quelqu'un souhaite se libérer des souffrances qu'amènent les impuretés mentales, si quelqu'un souhaite se purifier l'esprit, il doit tout simplement pratiquer Satipatthana. May you be able to practice mindful and attentive noting, realizing the 7 benefits of Satipatthana. May your lives be more peaceful through these benefits. Sadhu.